100 000 morts, et peut-être plus. Tel est le terrible bilan de la guerre civile qui déchire l'Algérie depuis presque 10 ans. La semaine passée, dans la première partie de cet entretien consacré à l'islamisme algérien, M. X a montré comment un clan de militaires corrompus s'était servi des intégristes musulmans pour accaparer le pouvoir. Mais en procédant ainsi, ces généraux ont ouvert la boîte de Pandore et précipité les islamistes dans la clandestinité et la violence. Toutefois, toujours selon M. X, la lutte contre le terrorisme justifie aussi le fait que l'armée continue à maîtriser les principaux leviers du pouvoir algérien. Bref, a-t-on affaire à un duo infernal dont l'existence de l'un suffit à expliquer celle de l'autre? Et dans ce cas, les militaires algériens, pour sauvegarder leurs privilèges, n'ont-ils pas intérêt à faire en sorte que le terrorisme continue à ensanglanter le pays? Dans ce cas, les GIA, les groupes islamistes armés, ne seraient-ils pas infiltrés ou manipulés? La question est d'autant plus troublante pour nous que le GIA a frappé en France. Le procès de deux des acteurs de la vague d'attentats de 1995 vient d'ailleurs de se terminer tout récemment avec des peines à perpétuité. C'est à toutes ces questions que M. X se propose de répondre. Et bien sûr, il sera aussi question des éventuelles relations entre ces groupes armés et la nébuleuse Al-Qaïda. Nous l'avons vu, les relations entre la France et l'Algérie ont toujours été excessivement compliquées. D'une part, parce que la colonisation a laissé des traces quasiment indélébiles, et puis d'autre part, parce que nous accueillons une importante communauté d'origine algérienne. Et pour l'Algérie, la France, c'est tantôt un repoussoir, tantôt un aimant. Un repoussoir. Oui, le pouvoir algérien est prompt à voir la main de la France dans les événements successifs qui l'agitent. Oui. D'ailleurs, très pratique, hein, d'accuser l'ancien colonisateur. Ça permet de justifier ses propres erreurs. Oui, c'est pratique, en effet. Et un aimant? Les Algériens ne cessent de regarder vers la France. Ils suivent nos programmes de télévision, et les jeunes qui sont trop souvent chômage aspire à venir travailler chez nous. Ensuite, en dépit des troubles, nous n'avons jamais interrompu notre aide économique et militaire. Et l'Algérie demeure un de nos meilleurs clients. Et puis la langue. Hein. Oui, malgré les campagnes d'arabisation, des campagnes maladroites et très mal vécues, on continue à parler français en Algérie. Mais je ne m'étends pas, car nous avons déjà abordé ces questions dans la première partie de cet entretien. Oui, d'accord, mais enfin... Alors, comment avons-nous fini par être mêlés à cette guerre algéro-algérienne qui n'en finit pas de durer, hein? Avec son cortège d'horreurs presque quotidienne. Alors comment, me demandez-vous? D'abord, il y a une réalité. La montée de l'islamisme ne pouvait pas épargner notre pays. Et très tôt, des intégristes musulmans envoyés ou payés par l'Arabie Saoudite, entre autres, ont manœuvré au sein de la communauté immigrée en France. Puis il faut bien dire que les autorités françaises n'ont pas toujours vu cela d'un mauvais œil. Pour quelle raison? Parce que c'était un facteur d'apaisement. Les jeunes des cités, des œuvrés, tentés par la délinquance, se calment dès lors qu'ils prennent le chemin de la mosquée. Mais l'arme, là, est à double tranchant. Beaucoup de ces imams qui ont été envoyés de l'étranger professent un islam extrémiste et fondamentaliste. Bref, on perd des voyous, mais on gagne des talibans. Vous n'exagérez pas un peu, là? Peut-être. Mais dans leur grande majorité, les musulmans français sont hostiles à l'intégrisme. Il n'en reste pas moins que certains jeunes ont été tentés et le demeurent encore. Ça veut dire que les mouvements terroristes islamistes disposent d'une base où il aurait été aisé de recruter. Ouais. On s'en apercevra justement lors des attentats de 1995. Oui, c'est juste, mais n'allons pas trop vite. J'ajoute que de nombreux musulmans, surtout les jeunes, ont très mal vécu l'engagement français lors de la guerre du Golfe. Ils l'ont d'ailleurs manifesté. Oui, d'autre part, il y a l'attitude de la France vis-à-vis du pouvoir algérien. Lorsque les généraux ont pris le pouvoir à la suite du premier tour des élections législatives qui ont vu la victoire du FIS, le Front Islamique du Salut, le gouvernement français a condamné du bout des lèvres. Mais très vite, sans le dire, nous avons choisi le parti du nouveau pouvoir. Ça s'est traduit souvent par une aide militaire accrue. Ouais, pour aider les généraux à lutter contre les maquis islamistes. Oui, il faut reconnaître que nous avions tout à craindre de l'établissement d'un autre Iran à nos portes. Faut pas oublier qu'en 1994, la branche armée du FIS, l'AIS, contrôlait presque 50% du territoire algérien. Et puis, il y avait la possibilité que la contagion gagne les autres pays du Maghreb. Le choix était quand même malaisé. C'est vrai, parce que c'était une dictature que nous soutenions. Faut d'ailleurs remarquer qu'au sein du gouvernement de la deuxième cohabitation... C'est le gouvernement Balladur, ça. Oui. Tous les ministres n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Par exemple, Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, était résolument partisan d'aider Alger. Mais Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, était beaucoup plus circonspect et a pris ses distances. Toutefois, c'est la ligne Pasqua qui va triompher. Mais pourquoi celle-là? Parce qu'il est évident que chez nous aussi, l'islamisme progresse dangereusement. La France devient peu à peu une base arrière pour les militants du FIS qui mènent la lutte armée contre le pouvoir algérien. Et qui est mieux placé que le ministre de l'Intérieur pour le constater? Oui, mais quand vous parlez de base arrière... Je pèse mes mots. Des dirigeants islamistes qui ont trouvé refuge en France se livrent à une propagande très agressive. Ils approuvent ouvertement les actions terroristes perpétrées par le FIS en Algérie. Et ils attaquent non seulement le gouvernement algérien, mais d'une façon plus générale, l'Occident laïque et impie. Ouais, alors j'imagine qu'ils accusent la France de soutenir les généraux algériens. Bah, c'est normal. Ouais. Et comment Paris réagit là, à ce moment précis? Bah, des journaux de propagande sont interdits. Plus inquiétant, une cache d'armes est découverte dans les locaux d'une association islamique. Et la police observe une augmentation de la délinquance chez des immigrés fraîchement arrivés d'Algérie. Oui, pourtant dit que délinquance et islamiste étaient antinomiques. C'est exact, mais dans ces cas-là, il s'agit vraisemblablement de trafic destiné à financer le mouvement. Le développement de l'islamisme sur notre territoire n'échappe pas non plus au pouvoir algérien. Et les Algériens pressent notre gouvernement d'agir plus fermement contre ces fondamentalistes. Et comme de leur point de vue, les choses n'avancent pas assez vite, ils se livrent à l'automne 93 à une véritable mascarade. Oui, on a parlé, là, c'est le faux enlèvement des trois diplomates français revendiqués par le GIA. Oui, le GIA qui fête à cette occasion son apparition sur la scène terroriste. Ouais. Mais en fait, m'avez-vous dit, là, ce sont les services algériens qui sont à l'origine de cette affaire. Hein. Ça, j'en suis persuadé. C'était une forme de pression que le pouvoir algérien entendait exercer sur le gouvernement français. Et notez-le bien, les généraux vont être entendus puisque Charles Pasqua va ordonner une vaste rafle dans les milieux musulmans fondamentalistes proches du FIS. Des dizaines de militants sont mis en garde à vue. Mais au final, la pêche est relativement infructueuse et la plupart de ces hommes sont relâchés ou expulsés. Toutefois, ça laissera des traces. Parce que tous ces militants là, ont maintenant la preuve que les autorités françaises se sont clairement rangées du côté des généraux d'Alger, c'est ouais, ça? Oui, ouais. La rancœur est d'autant plus forte que la rafle a aussi visé des islamistes qui ne représentaient aucun danger. Oui, mais qui vont être tentés peut-être de se radicaliser. C'est certain. Ces hommes, mais aussi tous ceux qui partagent leurs convictions religieuses, pensent non sans raison qu'ils sont victimes d'une répression aveugle et injuste. Car disent-ils, après tout, ils soutiennent un mouvement, le FIS, qui a légitimement remporté les élections démocratiques. Mmh. Vous avez dit, en parlant de la première rafle, que la pêche avait été relativement infructueuse. Elle a donc permis d'obtenir quelques résultats, quand même. Oui, oui, ce que la police soupçonnait se confirme. Il existe bien des groupes prêts à se livrer à des actions violentes. Des groupes qui sont en liaison avec les maquisards algériens, qu'ils appartiennent au FIS ou à ce mystérieux GIA qui vient tout juste d'émerger. Et les opérations de police qui vont suivre en apporteront la preuve. Mmh. Et sous quelle forme alors? Des armes, des explosifs sont découverts. À l'évidence, le terrorisme islamiste a implanté un véritable réseau en France. Et une question se pose. Est-ce que les membres de ce réseau servent seulement de base arrière aux terroristes ou est-ce qu'ils envisagent de passer à l'action sur notre territoire? Et comment le savoir? Encore une fois, c'est Pasqua qui, en portant la conviction du Premier ministre Édouard Balladur, va trancher. En novembre 94, il décide d'organiser une nouvelle rafle. Cette affaire commence de façon très curieuse. Un jour, un policier perspicace s'étonne de voir un truand notoire, Mohamed Chalabi, fréquenter assidûment une mosquée de la banlieue parisienne. Cet ancien trafiquant de drogue devient même imam et prêche régulièrement en préconisant le djihad. La guerre sainte. Oui. Et il crée plusieurs associations chargées d'éduquer et de convertir les jeunes. Curieuse reconversion, en effet. N'est-ce pas, hein. Intrigués, les policiers s'intéressent donc à ce Chalabi et à ses trois frères. Filature, écoute, enfin la police met le paquet. Et bientôt, il acquiert la conviction que les associations créées par Chalabi dissimulent en réalité un réseau de soutien logistique au GIA. Et donc décidé de passer à l'action? En novembre 1994, oui. Une petite centaine de personnes sont arrêtées. Et cette fois, la pêche est fructueuse. On découvre un véritable arsenal, armes de guerre, munitions, produits chimiques et systèmes de transmission sophistiqués. Et parmi les hommes arrêtés, plus de 70 seront mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actions terroristes. Mais des actions terroristes sur notre sol? Même si les policiers ne le disent pas ouvertement, ils en sont persuadés. Les frères Chalabi s'apprêtaient à passer à l'action en France même, pour punir notre gouvernement qui soutient les généraux algériens. Mais la réponse des islamistes ne va pas tarder. L'ouvrage porte en sous-titre « Les filières du terrorisme islamiste ». Écrit par Ali Laidi, ce livre très récent, « Le djihad en Europe » paru au Seuil, donne un éclairage très complet sur la mouvance islamiste. Et j'y ai trouvé ces quelques lignes sur Chalabi. Mohamed Chalabi, dit Momo, l'aîné des frères, ne correspond plus complètement au portrait figurant dans son casier judiciaire. Il n'est plus ce truand à la belle gueule, tombé pour la première fois à 20 ans pour trafic de drogue. Il semble loin aussi le temps où il fréquentait les prisons pour viol avec violence. Un séjour en prison où il côtoie des islamistes lui ouvre les yeux. Il retourne alors vivre 2 ans à Alger dans le quartier de Leveillet. A-t-il rencontré à l'époque Mohamed Halal, dit Mo l'Éveillé, baptisé ainsi en référence à son quartier d'origine, lui-même ancien truand, considéré comme le premier émir des GIA. C'est possible. En tout cas, lorsqu'il rentre en France, le truand troque ses habits de gigolo irascible pour une tenue plus modeste et conforme à son engagement spirituel. Fini la drague et la drogue, place aux prières et au combat pour l'établissement de l'islam en Algérie. Il s'improvise même imam à la mosquée de Choisy-le-Roi. Ses khutbas, prêches, se moquent de la spiritualité et de l'exégèse coranique. Cet imam, un culte, prône le djihad en Algérie et invite des fidèles apeurés à soutenir leurs frères algériens. Les chalabis iront même porter la bonne parole en djellaba au meeting de la FAF, la Fraternité Algérienne en France. Il faut se montrer pour que tout le monde sache que les chalabis ne dealent plus, ne volent plus, ne viole plus. La réponse, vous disais-je, n'a pas tardé. 1 mois et demi après le démantèlement du réseau Chalabi, un commando du GIA prend en otage les passagers d'un Airbus d'Air France qui allait décoller d'Alger. Vous connaissez l'histoire? Dans ses grandes lignes, oui. Alors, je vous le rappelle brièvement. 4 terroristes s'emparent de l'avion. Le GIA, dont l'émir est alors Jamel Zitouni. C'est l'homme qui porte la responsabilité de l'assassinat des 7 moines de Tibérine. Et hein, de c'est bien ça, d'autres ouais. massacres encore. Oui, mais vous m'avez dit également hein, qu'il était vraisemblablement manipulé par les services algériens. Tout à fait, oui. Ouais. Alors, l'était-il déjà au moment de ce piratage de l'Airbus? Sans doute. Ouais. Ça éclaire tout autrement cette affaire, hein? Peut-être, mais enfin, je veux simplement vous dire qu'à l'époque, le pouvoir algérien voulait absolument démontrer que la menace du terrorisme islamiste n'était pas vaine. Et ça, ça explique en partie ce qui suivra en 1995. Enfin, un peu de patience. Je disais donc, le GIA menace d'égorger tous les passagers et de faire sauter l'avion. À Alger? Oui, sur le tarmac de l'aéroport. Et quelles sont les revendications, alors, de... Eh bien, le GIA veut que Paris cesse de soutenir inconditionnellement le pouvoir algérien et il exige la libération de plusieurs prisonniers islamistes en Algérie, dont les chefs du FIS. Mais ce qui ne dépend pas de Paris. En effet. Donc, des négociations difficiles s'engagent entre les autorités algériennes et les terroristes. 3 passagers sont égorgés et quelques dizaines d'autres sont libérés. Naturellement, la France veut avoir son mot à dire, mais Alger renacle. C'est une question de souveraineté nationale. Ce qui est vrai. Oui, mais l'avion et beaucoup de passagers sont français. En outre, Paris a la conviction qu'Alger ment et ne communique pas toutes les informations dont il dispose. Et il faut menacer les Algériens de rompre les relations diplomatiques pour qu'ils acceptent de laisser décoller l'avion. Avec juste assez de kérosène pour rejoindre Marseille. Oui, je crois me souvenir, on craignait une opération du type en septembre au-dessus de Paris, hein, c'est oui, ça? Oui, enfin, ouais. La suite, vous la connaissez, l'Airbus se pose donc à Marseille, et là, un commando du GIGN parvient à pénétrer dans l'avion et à tuer les 4 terroristes. Une opération dont s'enorgueillira le gouvernement. À juste titre. Mais la réplique du GIA est immédiate. Dès le lendemain, 4 pères blancs résidant en Algérie, dont 3 Français, sont assassinés. Et vient ensuite la vague d'attentats de 1994. Ben, n'allons pas trop vite quand même. Enfin, il est clair dès ce moment. Attends, donc fin 1994. Oui, il est clair que tôt ou tard les islamistes frapperont en France. Le FIS, qui n'était pourtant pas partie prenante dans l'affaire de l'Airbus, publie un communiqué menaçant notre pays de représailles. Et c'est une véritable course de vitesse qui s'engage entre les terroristes qui vont tenter de reconstituer leur réseau démantelé et la police française. Et pas seulement la police française d'ailleurs, parce qu'on va bientôt s'apercevoir que c'est un vrai réseau européen qui se constitue. Alors, est-ce que dès ce moment, on peut soupçonner Al-Qaïda d'être derrière ces mouvements terroristes? Certainement. L'organisation mise en place par Ben Laden a très logiquement infiltré les mouvements islamistes tels que le FIS ou le GIA. Après tout, ces gens-là poursuivaient les mêmes objectifs. La lutte contre la culture occidentale et l'instauration du régime islamiste. Et la France était particulièrement visée, non seulement parce qu'elle soutenait les gouvernements anti-islamistes des pays du Maghreb, mais aussi parce que la vaste communauté immigrée en France était un réservoir de militants. C'est ainsi qu'on verra de jeunes beurs partir en Afghanistan ou au Pakistan. Où ils subiront une formation à la fois idéologique et militaire. Alors, Revenons à cette course contre la montre dont vous parliez. La première offensive de la police a lieu en Belgique. Un réseau est identifié et anéanti. Des armes, des explosifs, des faux papiers sont découverts. Mais aussi les photos de deux hommes dont on va beaucoup reparler. Un certain Ali Touchent et un autre nommé Boualem Ben Sradi. Oui, celui qui vient d'être jugé par la cour d'assises spéciale oui, à Paris. Oui. Hein. Puis un peu plus tard, au tout début de l'été 95, un autre réseau comprenant plusieurs dizaines de membres sur l'ensemble du territoire est démantelé par la police française. Mais le chef nommé Kerouche parvient à s'enfuir et gagne l'Angleterre. Ah, où existe un important centre de propagande islamiste. Et où il rejoint certainement Rachid Hamda, qui sera identifié plus tard comme étant le financier des poseurs de bombes de 1995, avec de l'argent qui provenait d'Al-Qaïda, bien sûr. Est-ce que la police pouvait penser qu'en ayant porté à nouveau un coup très dur aux terroristes, elle avait gagné en tranquillité? Un répit, vous voulez dire? Ben oui, oui, oui. Non, pas vraiment. Dans les services, grâce à des informations concordantes, on s'attendait à ce que de nouveaux commandos soient envoyés en France. D'autre part, il résultait des enquêtes effectuées par les renseignements généraux ou la DST que des réseaux existaient toujours et que les islamistes étaient bien implantés dans les banlieues. Et ils en ont eu la preuve dès le mois de juillet avec l'assassinat du cheikh Sraoui à Paris. Rappelez-moi pourquoi il a été tué. Eh bien, ce vieil homme était l'un des fondateurs du FIS. Et après le putsch des généraux, il avait trouvé refuge en France. Mais tout en étant partisan d'un régime islamiste en Algérie, il avait condamné la violence avec la plus grande fermeté. Ça en faisait ipso facto un traître pour les durs du GIA. D'autant qu'il entretenait peut-être des relations avec la police française. Ah bon, un informateur? Bon, ça n'est pas exclu. Mais est-ce qu'il avait reçu des menaces? Oui, on lui avait même intimé l'ordre de ne plus parler. De ne plus prêcher, oui. C'est ça, mais le vieil homme n'avait pas tenu compte de ces menaces et il avait même refusé la protection de la police. Oui, parce qu'il pensait peut-être qu'on n'oserait pas s'attaquer à un imam. Fondateur du FIS, en outre. Il a eu tort, car les tueurs, ils étaient deux, n'ont pas hésité à l'abattre à l'intérieur même de sa mosquée. Au passage, ils ont d'ailleurs tué un autre homme qui tentait de s'interposer. Et après ce double assassinat, il s'est passé quelque chose de très curieux. Les deux tueurs se sont enfuis, mais dans leur course, ils ont abandonné un sac. Perdu, vous voulez dire? Bien, je ne sais pas. Attendez, soyez plus clair, là. C'est le contenu de ce sac qui pose question. Car à l'intérieur, les enquêteurs ont découvert tout un matériel qui pouvait être destiné à fabriquer une bombe artisanale. Et je me demande pourquoi ces deux assassins portaient ce sac qui n'était nullement nécessaire à leur mission. Et qui pouvait même les embarrasser. Alors je me dis, mais sans avoir de certitude, qu'ils ont abandonné ce sac pour adresser un message à la police. Mais un message quoi, pour annoncer les futurs attentats? C'est une possibilité, oui. Quoi qu'il en soit, ce double assassinat et le contenu du sac prouvaient que les réseaux du GIA étaient toujours bien vivants et que les terroristes avaient même durci leur action. Et n'ont malheureusement pas tardé à le démontrer. La première bombe éclate 2 semaines seulement après l'assassinat du cheikh Sahraoui. C'est dans le RER à la gare Saint-Michel. Oui, un vrai massacre. Mais inutile d'y revenir, car vous avez encore en mémoire les terribles images de cet attentat qui a causé la mort de 8 personnes et fait des dizaines de blessés. Ensuite, il y aura le dépôt d'une autre bombe près de la place de l'Étoile. Puis l'explosion de colis piégés sur un marché, boulevard Richard Lenoir à Paris, devant une école juive à Lyon et encore à Paris, au métro Maison-Blanche et à la station du Quai d'Orsay. Mais c'est la tentative ratée perpétrée sur la ligne TGV Paris-Lyon, hein, oui, qui va permettre à la police d'avancer. Oui, oui, car les enquêteurs vont miraculeusement trouver sur un adhésif qui entoure le dispositif meurtrier une empreinte digitale. Celle d'un jeune délinquant d'origine algérienne déjà connu des services de police. Et ça va permettre de remonter rapidement la piste des terroristes. Mais sans vouloir amoindrir les mérites de la police, je suis aussi certain que les enquêteurs ont bénéficié de tuyaux qui provenaient directement d'Alger. Car notre contre-espionnage... La DST. Oui, bien sûr, la DST continuait à entretenir d'excellentes relations avec les services algériens. Les Algériens, en effet, ne manquent pas de fournir de nombreuses informations aux services français après les premiers attentats. Mais les autorités se méfient et doutent de la fiabilité des tuyaux qu'on leur fournit. En septembre 1995, le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, s'en ouvre à quelques journalistes de la presse régionale. La suite, je l'emprunte à Hubert Coudurier, auteur d'un ouvrage intitulé « Le monde selon Chirac, les coulisses de la diplomatie française ». C'est Jean-Louis Debré qui parle. J'avais la hantise qu'on me trouve rapidement un coupable pour calmer les esprits et rassurer les Français. Puis que l'on découvre que c'était une fausse direction. La sécurité militaire algérienne voulait que l'on parte sur des pistes pour éliminer des gens qui la gênent, écrit Dominique Gerbaud dans La République du Centre-Ouest, citant les propos du ministre. L'information reprise par Le Monde provoque un tollé à Alger. Debré affirme ne pas avoir tenu de tels propos et accuse la presse d'avoir enfreint le « off ». Gerbeau maintient sa version et explique qu'il y avait eu un accord préalable pour reprendre ses propos de déjeuner. Le ministre de l'Intérieur est-il pour autant furieux de s'être laissé piéger ? Pas du tout. C'était une manière de leur faire passer un message pour qu'ils arrêtent de nous bourrer le mou, avoue-t-il après coup. Au-delà de cette polémique, l'explosion du RER est-elle un coup tordu d'une faction de l'armée ou un attentat islamiste ? Le doute existe dès le départ. Mais il importe d'abord de dévider la pelote pour retrouver les auteurs et calmer l'opinion publique. Le 31 juillet, les services algériens confirment à leurs homologues français que deux groupes du GIA sont présents sur le territoire national. Des commandos suicides contre la Tour Eiffel où l'Arc de Triomphe pourrait être lancé, affirment les Algériens. Les Français pataugent, s'accrochent à des rumeurs et restent dans le brouillard. Le livre de Hubert Coudurier a été publié en 1998 chez Calman Lévy. En tout cas, tuyau ou pas des services algériens, la police va progresser très vite. C'est juste, oui, oui. Une question avant d'en venir à l'enquête proprement dite là. Est-ce que ces attentats particulièrement meurtriers sont revendiqués ? Oui, oui. Jamel Zetouni, l'émir du GIA, en assume la responsabilité. Et dans l'un de ses communiqués, il annonce de nouveaux attentats et enjoint au président Chirac de se convertir à l'islam. C'est l'humour ? À votre avis. Alors l'enquête, la fameuse empreinte digitale retrouvée sur la bombe du TGV, mène tout droit à un certain Khaled Kelkal, déjà connu des services de police et recherché pour tentative de meurtre sur des policiers. Ouais, c'est un jeune beurre. Oui. Hein, c'est ça. Kelkal est né en Algérie, mais il n'avait qu'un mois quand il est venu habiter avec sa famille Vaux-en-Velin dans la banlieue lyonnaise. C'est un garçon plutôt tranquille et qui, contrairement à beaucoup d'autres jeunes de ces quartiers difficiles, fait des études secondaires correctes. Mais vous vous en souvenez sans doute, au début des années 90, de violents incidents éclatent à Vaux-en-Velin. On assiste même à de vraies émeutes entre les beurs et les forces de l'ordre. Oui, et à tort ou à raison, je ne sais pas, Kelkal est accusé d'avoir pillé un magasin. Il est arrêté et condamné. Mais quand il ressort de prison, ce n'est plus le même jeune homme. Il porte la barbe, professe des idées fondamentalistes et rompt pratiquement avec sa famille. Puis, il part en Algérie où il rejoint les rangs du fils. Dès cette époque, il est repéré par la sécurité militaire algérienne. Et quand revient-il en France, là ? Bon, on ne sait pas exactement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va devenir l'un des hommes de main d'un réseau du GIA implanté dans la région lyonnaise. L'expertise de l'arme qu'on retrouvera dans son sac permettra même de l'impliquer dans l'assassinat de l'imam Sahraoui. Mais je vais vite. Kelkal va faire l'objet d'une vraie chasse à l'homme. Ouais, je me souviens, il va finir par être abattu par les gendarmes. Oui, oui. L'analyse des documents qu'il portait sur lui permet à la police de remonter la piste des autres membres du réseau et de prévenir d'autres attentats. Et c'est ainsi que Boualem Ben Saïd et Ali Belkacem, deux des dirigeants de ce réseau du GIA en France, vont finir par être arrêtés à l'automne 95. Mais un homme a échappé à la police, un nommé Ali Touchen, qui se fait aussi appeler Tarek. Un homme qui était sans doute le véritable chef de réseau et qui était en contact direct avec les commanditaires des attentats. Les vrais commanditaires. Ouais, le GIA, vous voulez dire ? Apparemment, oui. Ah bon ? Mais c'est ici qu'apparaissent les zones d'ombre. Tarek est loin d'être un inconnu pour la police française. En 1989, cet étudiant en architecture a déjà suscité la curiosité de la DST. Pourquoi ? Quelle occasion ? Ben, il a créé à Paris une section du FIS. Mais on le laisse aller. Bah, il faut rappeler que le FIS était alors un parti légal en Algérie. C'est juste, juste. La suite est particulièrement confuse. Après un séjour dans son pays, au moment des élections législatives, il revient en France où il ne cesse de voyager sous les identités les plus diverses. Ça veut dire que c'était déjà un militant clandestin. Oui, enfin écoutez la suite. En 1993, lorsque Pasqua déclenche la première rafle dans les milieux islamistes, Touchent échappe miraculeusement à l'arrestation. Une autre fois encore, la même année, alors qu'il s'est caché dans un foyer d'émigrés, il parvient à s'enfuir. Ensuite, on le signale dans plusieurs pays européens où il est soupçonné de se livrer à des trafics d'armes. En faveur des maquis islamistes ? Bien sûr. Mmh. Et à nouveau, il réussit à fuir à temps, lorsque la police belge s'attaque à un réseau du GIA en mars 95. Toutefois, la DST le suit à la trace. Mais l'homme est insaisissable. Et quand la police démantèle le réseau des poseurs de bombes de 1995, Touchent s'échappe à nouveau. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Et enfin, la première explication qui vient à l'esprit est que ce Touchent aurait pu être une taupe de nos services, enfin des services français, je vous dirais, et qu'à chaque fois il aurait été alerté à temps. Vous n'êtes pas le premier à vous poser la question, mais la DST a nié avec la dernière énergie. Ben, je viens, mais enfin, Si ce Touchette avait réellement été une taupe, la DST aurait pareillement nié. Oui, bon, vous avez raison, mais pensez-vous que si ça avait été un type manipulé par nos services, ceci aurait laissé le GIA commettre des attentats aussi meurtriers sur notre sol? Non, ça me paraît difficile à avaler. Même si je ne mésestime pas le machiavélisme inhérent à l'action des services secrets. Alors, bon, vous avez peut-être une autre explication pourquoi ce Touchette a pu s'en sortir à chaque fois. La suite va vous permettre de vous faire une idée. J'espère. En 1996, Touchette se trouve en Grande-Bretagne, puis disparaît. On le retrouve à Alger, où pourtant il est en principe activement recherché. Il habite dans une cité où sont logés les CNS, l'équivalent de nos CRS. Bizarre, non? Ça, je vous le concède. Ouais. Et en 1997, il décède de mort violente dans un des endroits les plus surveillés d'Alger, près de l'hôtel El Jezair. Mais il faudra attendre plusieurs mois pour que les autorités algériennes identifient formellement son cadavre et communiquent ses empreintes digitales aux enquêteurs français. Ouais, je vois ce que vous voulez insinuer. Touchette était en réalité un agent des services algériens. Mais il a été abattu parce qu'il en savait trop. Ouais. Ça n'explique pourtant pas comment il a pu échapper à chaque fois à la police. Hein. Je vous ai dit que la DST était dans les meilleurs termes avec la DRS algérienne, ouais, l'ancienne sécurité militaire. Les deux services s'échangeaient des tuyaux et collaboraient dans la lutte contre les organisations islamistes. Les Algériens étaient donc bien placés pour prévenir Touchette des menaces qui pesaient sur leur taupe. En fait, grâce à ce type, la DRS manipulait les hommes du GIA en France. Et je ne suis pas le seul à le dire. Le propre frère de Touchette l'a reconnu. Peut-être, mais enfin bon, si c'est vrai, quel était l'intérêt des Algériens? En manipulant les poseurs de bombes, les services algériens voulaient nous impliquer dans la guerre qu'ils menaient eux-mêmes. Et en nous impliquant, ils justifiaient ainsi tous les coups tordus auxquels ils se livraient dans leur pays. Cette sale guerre qui leur permettait de rester au pouvoir. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux bien vous croire, mais enfin, vous avez des preuves? Des preuves? Vous savez bien que dans ce genre d'affaires, il n'y en a jamais. Même s'il existe de fortes suspicions de double jeu pour plusieurs personnes membres du GIA, comme ce sinistre Zitouni ou ce fameux Touchette dont nous venons de parler. Mais je vais vous donner une indication supplémentaire. Les premiers militants islamistes algériens ont généralement été des Afghans, comme on les appelait. Ouais, c'est-à-dire des Algériens qui sont allés combattre en Afghanistan. Contre les Soviétiques, oui, c'est ça, oui. À leur retour, ces types ont joui d'une formidable popularité. Et c'est en partie grâce à eux que les dirigeants du FIS ont pu recruter si facilement chez les jeunes. Seulement, ce que ces nouveaux convertis ne savaient pas, c'est que certains de ces Afghans étaient des agents doubles. C'est-à-dire? Dans les années 80, lorsque les Saoudiens, les Américains et l'organisation de Ben Laden ont massivement recruté des Moudjahidines pour lutter contre le régime afghan soutenu par les Soviétiques, l'Algérie était au mieux avec ces mêmes Soviétiques qui lui fournissaient des armes et des conseillers de tout poil. Et les Russes ont demandé aux Algériens d'infiltrer quelques-uns de leurs agents parmi ces combattants qui allaient faire la guerre au nom d'Allah. Alors, par conséquent, ces types, à leur retour d'Afghanistan, sont, selon vous, sont demeurés des agents au service des Algériens? Exactement. Et ils le sont restés quand ils ont été sollicités par les islamistes du FIS, puis du GIA. Ça signifie tout simplement que les services algériens ont toujours été informés des actions de la branche armée du FIS ou du GIA. Et qu'ils ont pu les manipuler comme ils l'entendaient. Beaucoup de gens se sont posé des questions à propos du mystérieux Touchette. On a même prétendu qu'il avait été recruté par notre service de renseignement, la DGSE. D'autres ont affirmé que c'est lui qui a dénoncé le groupe de Khaled Kelkal. Alors, malgré les affirmations de Monsieur X, le mystère demeure. Aussi, je suis retourné vers le livre de Ali Laidi, Le djihad en Europe. Et j'y ai lu ceci. Cette incroyable capacité qu'a Touchette d'échapper aux coups de filet laisse pantois. Forcément, on s'interroge et on élabore les pires scénarios. Touchette est-il une taupe des services algériens chargés d'embraser la France pour déclencher la répression des autorités contre les réseaux de soutien aux islamistes algériens? Touchette bénéficie-t-il du soutien de certains clans au pouvoir en Algérie? Les preuves, elles sont maigres, tout juste. Un numéro de téléphone relevé sur un carnet d'adresses lui appartenant, suivi des initiales DS, qui pourrait bien correspondre aux coordonnées des services de sécurité algériens. Il est probable qu'on n'en saura jamais plus. Je vous rappelle que ce livre a été publié au Seuil en 2002.